Donc bonsoir à tous, 90.1 Radio Mon Pays, donc Blue Da Toots qui reprend en 2021, donc bonne année à tous. Bonne année. Meilleurs vœux. On va souhaiter une belle année de radio. Ouais, une belle année tout court, une belle année surtout moins merdique que celle qui s'est passée. Espérons qu'elle le soit, elle devrait l'être, on va y croire. Donc qu'est-ce qu'on va s'écouter Stéphane aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, toujours dans une thématique sur style musical et en lien avec des mouvements sociaux, on va écouter une branche du ska. Une branche, on va y revenir plus tard. Se projette en quelle période ? Alors quelle période ? Ça sera, nous, on va être clairement sur une période fin des années 70, début 80. Okay. Mais le ska, lui, par contre, c'est donc un style musical qui nous vient de Jamaïque. Lui, il a émergé des années 50. Et c'est surtout un son rythmé qui est une forme de contretemps marqué par la guitare et les claviers. Et comme pour commencer, on a entendu un extrait, une chanson de My Boy Lollipop de Millie Small. C'est un peu ça la base du ska. On verra après, parce que c'est un mixte hein, comme tout. On verra, tu nous parleras du rock steady, tout ça. Oui. Mais avant toute chose, comme chez Blue Da Toots, on aime faire les choses bien, ça c'est un petit message de Pierre Julien, petit clin d'œil. On commence par la fin avec le revivaliste et puriste C.W. Stone King qui va vous offrir un morceau de proto-ska après le ska. Le morceau s'appelle Things I Done sur son album Gone Bungalow. Et vous verrez donc qu'on est vraiment sous une influence blues, jazz. Mais c'est un peu normal parce qu'on est dans le Blue Da Toots. Donc le bluesage a toute sa place, mais c'est le début du ska. Lord, no, my hands is tied. This all by now. On est donc sur cette belle île qu'est la Jamaïque. Et alors quand il y a la déferlante rock'n'roll, on en a parlé il y a 4-5 émissions, la déferlante rock'n'roll avec les Fats Domino, Little Richard qui arrivent sur l'île, ça se mélange au boogie woogie, au gospel qui existait déjà, et à tout ce qui est local, notamment le mento, avec du jazz, du ska, du calypso, et tout ça, ça donne le ska. Alors, le ska, c'est en fait la musique un peu des voyous de Kingston, la capitale, des ghettos, qu'on appellera les rude boys. Et c'est un terme qu'on va retrouver plus tard que certains groupes punk vont utiliser et des groupes qu'on va écouter, notamment les Specials. Rudy, rude boy, c'est vraiment la petite frappe, le petit voyou jamaïcain qui va être repris après dans les quartiers populaires, notamment londoniens. Mais c'est un peu comme le blues, etc. Les Afro-Américains qui ont migré dans les grandes villes américaines, c'est un peu la même chose qui se passe en Jamaïque. Ah bah c'est exactement le même lien, c'est-à-dire que il y a au bout d'un moment dans les années 60, ça arrive en Grande-Bretagne cette musique, notamment par les migrants entre guillemets, enfin c'est pas des migrants parce qu'ils viennent des colonies jamaïcains. Et c'est repris par le peuple, je dirais, blanc. Populaire, ouais. Voilà, les ouvriers blancs des villes, qui sont à la base des skinheads. Alors, il ne faut pas se méprendre, c'est les skinheads n'ont pas rien à voir avec l'idéologie nazie. Skinheads qui reprennent aussi la façon de s'habiller, les rythmes, et qui descendent aussi d'un mouvement un peu qui s'appelle le mouvement Motz, ce qui est, je ne sais pas, on n'a pas forcément parlé, mais... Peut-être à venir. Ouais, à venir, où c'est lié, enfin, mouvement Motz, pareil, des jeunes prolos qui bossent la semaine et qui l'après-midi et qui le week-end vont faire la bringue sur la côte, en scooter, bien fringués, Doc Martin, etc., etc. Donc voilà, donc cette vague de ska, elle déboule en Angleterre avec dans les bagages des immigrés jamaïcains. Et donc les blancs prolos vont s'en saisir, vont récupérer le style, vont l'aménager un peu. Et ça nous amène donc à la fin des années 70, c'est là où je voulais vous amener pendant 2 heures, puisque pendant 2 heures, on va rester sur une branche du ska qui s'appelle le Two Town Ska. Two Town, c'est le nom d'un label, un des premiers labels de ska. Alors peut-être que vous avez déjà vu ces petits logos, ces petits bonhommes noirs avec un chapeau, le damier. Oui. Tout ça vient de ce label. Label créé en 79 par un des membres du groupe des Specials, Jerry Drummers. Donc la notion des two tones, les deux tons. Alors il y a un côté engagé. En gros, les deux tons, c'est parce que le groupe, c'était à la fois des Jamaïcains et des Blancs. Donc blanc, noir. Mais aussi le côté, comme on a vu, deux tons qui fait penser passer au contre-temps qu'on a vu en termes de musique, le rythme syncopé, temps contre-temps, temps contre-temps. Donc il y a ces deux notions sur le two-tone record, sur le terme. Il y a la notion de damier. Mais en fait, pour aller plus simplement, pour que ça vous inspire, pour voir de quoi je parle, on va écouter le morceau certainement le plus connu du label. Que va nous faire passer tout de suite DJ Benoît. We'll be right back. your protection. They use a lot to commit crime. I try to think what the future of it. Voilà, donc certainement le morceau le plus connu produit par le Two Tone et produit donc par les Specials, qui est vraiment le groupe, la cheville ouvrière de ce label. Pour revenir sur le symbole Two Tone, on a parlé du damier. Donc le damier, en fait, ça fait référence, comme je disais, aux mods qui se faisaient des courses de scooter. Au départ, il y avait forcément le damier, donc c'était repris dans cette idée-là. Et puis, il faut perdre de vue, quand je parlais de la notion Two Tone de couleur, c'est qu'à cette époque-là, c'était vraiment un label qui était engagé notamment contre le racisme. On verra après, notamment aussi contre Thatcher ou autre. Mais à la base, c'était vraiment un label antiraciste. Parce qu'à cette époque-là, on va y revenir, mais Thatcher, désindustrialisation des villes, montée en flèche du National Front, il fallait contrecarrer et combattre tout ça, le Two Tone s'en est occupé. National Front, on va en reparler. National Front, on va en reparler, tout à fait, un peu plus loin. Et dans l'idée donc, du symbole, toujours pareil, et ben, les adeptes de ce label, les adeptes, c'est un bien grand mot, mais bon, on va dire le Ska Two Tone, c'est le costume noir, le chapeau qu'on appelle le Pork Pie Hat, et puis alors, pour chaussures, Doc Martens, Cokie ou Creepers. Là, je vous fais la totale. Pour rien savoir. Et tu es venu habillé comme ça aujourd'hui. Ouais, non, ça fait longtemps que je pense. Quoique les docs, bref. Doc Martens qui sont à la base des, bien sûr, dockers, qui sont les chaussures des prolos, des dockers, des ports du nord de l'Angleterre. Donc on reste bien dans le milieu prolo, quoi. Donc on vient plus précisément sur les Specials, donc ce groupe britannique, donc. Qui a émergé à Coventry. Coventry, pareil, ville en Angleterre qui était un pôle vraiment d'industrie automobile, qui a été pris, fauché de plein fouet par la crise, avec tout ce que ça engendre, pauvreté, racisme et autres. Et donc, du coup, les Specials ont toujours lutté contre ça. Il y avait vraiment trois grands axes Specials, c'était contre le racisme, contre Thatcher, et aussi, c'était un des premiers groupes quand même qui luttait pour, pour le côté, comment on appelle ça ? Pour la cause féministe, notamment la contraception. Ils ont pondu d'ailleurs, on va écouter plein de morceaux, mais trois morceaux qui se réfèrent à ces thématiques. Le premier qu'on va écouter, qui est Ghost Town, qui parle de la ville sous Thatcher, c'était une ville où il n'y a plus rien et que de la pauvreté, bref. Le deuxième, le Too Much Too Young, qui là fait référence à la contraception. Et en fait, le troisième, It Doesn't Make It Alright, qui est plutôt un hymne contre le racisme. On envoie les trois morceaux. Et on revient après. Enfin, j'espère. much too young. You married with a son when you should be having fun with me. Oh no, don't give me no more picnic. You done too much, much too young. You married with a son when you should be having fun with me. I don't want no more picnic. I ain't take you, no way. It's just another button on the welfare state. You done too much, much too young. You married with a son when you should be having fun with no, me. No give me no more picnic. It doesn't make it Voilà, donc c'était les Specials, trois morceaux, plus le Gangsters qu'on a écouté au tout début. Et bon, ça reflète bien qu'entre Sinistros et Révolte, les Specials n'auront de cesse de décrire et dénoncer cette période fin 70-80 du thatchérisme. Une période qui est dure, aussi dure qu'une coque de Doc Martens dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ça c'était pour un peu le côté engagement du Two-Torn, notamment des Specials. Et le point commun sur pas mal de groupes du Two Towns, c'est qu'ils vont pas durer très longtemps en fait. C'est une question de 2-3 ans. Les Specials, par exemple, il y a une grosse emprise musicale et politique de Jerry Drummers, donc le fondateur, clavieriste et fondateur du label. Et au bout d'un moment, et ben, le groupe va scinder en deux. D'un côté, Jerry Drummers qui va former le Specials AK, qui va rester dans une ligne plus politique. Notamment avec des chansons comme Racist Friend qu'on écoutera tout à l'heure, et puis une chanson Nelson Mandela qui va être un peu l'hymne qui va faire connaître dans les années 80 vraiment, qui va je vais pas dire la gloire de Nelson Mandela, mais qui va porter aux médias et au monde entier la situation de Nelson Mandela en Afrique du Sud, notamment en Angleterre. C'était important en Angleterre, il y avait des manifs devant l'ambassade et ça vient notamment de cette chanson. Et de l'autre côté, trois membres du groupe vont créer les Funboy Free, où là, on va plus être sur un côté un peu plus acidulé, un peu plus proche de la New Wave. Tout doucement, on y arrive. Enfin, voilà, ça va être les deux le grand lit, mais on verra que des autres groupes, ça va être un peu la même histoire. Quoi. Donc il y a un mélange musical qui commence déjà. Oui, tout à fait. Et puis des notions. Voilà, le Funboy Free sera beaucoup moins politisé. Simplement on va regarder quand même la lutte antiraciste, mais beaucoup moins marquée sur le côté social ou autre que le Special AK. Voilà, donc on va s'écouter Special AK Racist Friends, je vous dis pas de quoi ça parle, donc vous avez compris, et les Funboy Free Tunnel of Love. Thank you. consequences, altered cases, broken noses, altered faces, my ego altered, altered egos, wherever I go, so does me go. Walk through the fields where the flowers are growing, carve out your names on the first tree you see. There are 22 catches when you strike your matches and get down on your knees in the tunnel of love. Ex-husband and wife, there were 22 catches when you struck your matches and threw away your life in the tunnel of love. Vous êtes toujours sur Radio Mon Pays 90.1. Bon, on n'a pas le jingle ska, mais on va y penser peut-être. Ouais, on va y penser. Il est quoi? Il est 7h30, c'est ça? A priori, oui. Enfin, le soleil est encore haut dans le ciel. Nous sommes dans un monde parallèle. Et bon. Voilà, donc là, c'était. On a fait un peu le tour des specials avec le côté special AK et Fanboy Free. Alors les specials, ça ne s'imite pas au tout ordre, ils ont été pas mal repris par la suite, ils se sont reformés aussi, on va en parler un peu plus tard. Il faut savoir qu'au début des specials, pour ceux qui connaissent cette période, ils ont fait la première partie d'un groupe qui s'appelait The Clash. Ah bon? On ne connaît pas. Non. Donc ça se pose là, on ne connaît pas, je te ferai écouter. Enfin, si tu écoutais l'émission et si tu suivais... Il y en a une à chaque émission. Alors si tu suivais, voilà. Il y en a une à chaque émission, Stéphane. Il y en avait une sur la fin. C'est son credo, il faut mettre une... Le fameux Odyssey Radio Clash. Je rappelle qu'avant, il y a une époque, c'était une chanson des Gun Club par émission. Là maintenant, c'est une chanson des Clash. En fait, pas vraiment parce qu'on ne va pas en écouter. Juste une parenthèse, ouais, j'ai entendu aujourd'hui une chanson, une reprise de Rock the Casbah. D'un artiste anglais, une musique assez lente. Peut-être qu'on voilà, on pourra faire pourquoi pas une reprise des Clash, une spéciale Clash avec reprise. Bah là de toute façon avec les Clash, comme je dis tout le temps, on est dans le créneau de l'émission, hein. Ah, en termes d'engagement politique, mouvements sociaux et styles musicaux, c'est sûr. On est bon. Mais bon, simplement pour dire quoi, là, les specials, à la base, ça se pose là. Ils ont fait, à leur début, ils ont fait la première partie des Clash. Ils ont été produits par Elvis Costello, je ne sais pas pour. Voilà, qui est quand même un producteur, chanteur irlandais, mais très connu. Et un peu plus tard, les années 90, il y a un autre groupe irlandais qui va les reprendre sur scène, avec Grosse Fiesta, Beuverie Total. Beuverie Total, ouais, avec leur fameux Shane McGowan au micro, bah c'est les Pogs. Donc on va s'écouter un petit morceau en live des Pogs qui reprennent A Message to You Rudy. Ils font venir quand même des membres des Specials. Et on note bien le petit A Message to You Rudy, c'est un des titres phares du Specials. Message pour toi Rudy, Rudy le rude boy jamaïcain, où ils sont entendus dire mon petit gars, c'est difficile la vie en Angleterre, mais accroche-toi, etc. etc. quoi. On envoie les Pogs en live avec les Specials. Mr. James Burnley. For when the accordion doth speak, it maketh both my knees go weak. Big hand for Linda. This is Skull, a message to you. Concert des Pogs, toute une histoire. Enfin, tu nous parlais tout à l'heure des concerts des Pogs. Non, non, parce qu'à chaque fois, tu parlais des Clash, oui. À chaque fois, on fait des trucs et Clash, et à chaque fois, tu me branches pour que je raconte. Bien sûr, parce que t'as assisté à plein de concerts. Et oui, c'est vrai, c'était mon vieux temps, moi j'ai eu droit. Désolé, les gars. C'est fini. Ça va revenir. Ah, mais ouais, j'espère pour toute la nouvelle génération qui pourront faire des concerts aussi fous que j'ai pu faire, et aussi fous que certainement que d'autres ont fait bien avant, parce que. Et tout. Oui, les Pogs, ouais, petite anecdote où. Donc j'ai vu un concert où le chanteur n'a pas chanté en fait. Il ne pouvait pas chanter. Fatigué. Il était assis et il chantait avec sa bouteille de vin. Donc, mais bon, c'était les Pogs en même temps. Mais c'était vraiment. C'est partie du mythe. Ouais, c'est une orgie. Mais à cette époque, dans les années 90, je fais une petite parenthèse, mais tu avais des groupes comme les Pogs, La Mano, les Négresses Vertes. C'était des groupes où tu allais voir, ils étaient 10 sur scène, ça allait dans tous les sens. Quoi. C'était la fête sur scène. Ouais, c'était furieux, vraiment. D'ailleurs, j'ai un morceau qui s'appelait Fiesta. Les Pogs, pour le coup. Bon, on revient pour faire un petit clin d'œil. On va rester sur notre notion. Alors là, De l'héritage un peu des Specials, mais de l'héritage pur et dur, c'est-à-dire qu'une chanteuse dont on a déjà parlé dans pas mal d'émissions, on a passé quelques petits morceaux parce qu'elle est là, elle a une voix, elle a une forte inspiration soul. Donc c'est Amy Winehouse qui, elle, a toujours revendiqué sa filiation et son amour des Specials. Elle a d'ailleurs chanté sur scène avec eux. On écoutera le morceau. Et elle fait une reprise d'un des titres qu'eux avaient eux-mêmes repris d'un chanteur jamaïcain, qui pas de chanteur, hein, mais la chanson s'appelle Monkey Man. Tout ça pour dire que même dans les années 2000, les Specials avaient encore une histoire et leur héritage continuait à vivre dans la musique, notamment anglo-saxonne. On écoute Amy Winehouse, le premier en live avec les Specials, le deuxième Monkey Man. Okay, don't be walking. Amy Winehouse, Monkey Man. C'est une reprise d'un chanteur jamaïcain. On va écouter un autre groupe. Alors, pour rester sur le Two Tone, un des groupes certainement qui a fait connaître en fait le ska en France, le ska en Europe. Le groupe certainement le plus connu, c'est Madness. Alors, il faut savoir que Madness, ils ont appartenu au label Two Tone, mais vraiment très peu de temps. Le temps d'une chanson qui s'appelle The Prince. On écoute la chanson, on en reparle après. Hey you, don't watch that, watch this. This is Buster, he sold the heat. With a rock steady beat. An earthquake is erupting, but not in Orange Street. A ghost dance is preparing. You got to help us with your feet. If you're not in a mood to dance, step back, grab yourself a seat. This may not be uptown Jamaica, but we promise you a treat. I bust the foamy over with your bogus dance, shuffle me off my feet. Even if I kept on running, I'd never get to Orange Street. So I say there's not much left to say for the man who set the beat. So I'll leave it up to you out there to get him back on his feet. I bust up on me over with your bogus dance, shuffle me off my feet. Even if I kept on running, I'd never get to Orange Street. Madness, The Prince, donc la seule chanson produite par le Two Tone Records. Alors, on a un technicien qui est tellement fort qu'avant, il vous a fait exprès de vous mettre un petit début de One Step Beyond pour que vous remettiez qui sont Madness. Voilà. Donc, en reggae, on appelle ça pull-up. C'est pull-up, de revenir... Ouais. Le pull-up. Non, mais c'est très fort. Très fort parce que c'est un peu une image subliminale. Ils vous envoyaient le début de One Step Beyond. Madness, c'est ça, et on écoutait The Prince. Donc The Prince, en fait, c'est un morceau hommage à un chanteur jamaïcain de rocksteady qui s'appelait Prince Buster. Rocksteady, qui est considéré plus ou moins comme l'avant-ska. On a vu que le ska venait d'un mélange de tout, notamment jazz, blues, mento, etc., etc. Ça a donné du rocksteady, et le rocksteady a donné le ska qui donnera après... Le reggae, on en avait parlé une fois à l'émission, je fais la petite parenthèse. Selon la légende, les Rude Boys, ils étaient tellement un peu énervés les samedis soirs après les balles en Jamaïque que les autorités ont demandé à ralentir le rythme du ska. et ce ralentissement pour que les gens soient moins énervés, et ce ralentissement a donné le reggae. Mais nous, on va encore avant, Julien, avant le ska, le rocksteady de Prince Buster, entre autres, mais d'autres, certainement. Ouais, tout à fait. Justement, tu as parlé du ralentissement. Il y a plusieurs théories par rapport au ralentissement du rocksteady par rapport au ska. Ah. Bon, j'en parlerai un peu plus tard. Donc en fait, le rocksteady est plus rapide que le ska, qui est plus rapide que le reggae, c'est ça l'idée? Ouais, c'est ça. Grâce au Bouvirus. Exactement. Donc le rocksteady, si on peut le traduire, c'est en français, un rock modéré, on va dire. Bon, si on traduit littéralement. Hein. Mais c'est un genre musical, comme tu disais, qui a émergé dans les années 60 en Jamaïque. Donc c'est issu du ska, parce que comme tu as dit, le ska a été créé dans les années 60. Mmh. Apparemment, le rocksteady, avec des recherches, hein, bon, je n'y étais pas à l'époque, bien sûr, vous non plus, ça a eu son heure de gloire juste 2 ans, 2-3 ans, tout court, hein. 66-68, ouais. Visiblement. Et donc c'est issu du ska, et ça a été classifié actuellement comme un sous-genre du reggae. Voilà, d'accord, ils font tout à l'inverse en fait. Ouais. Ouais, alors que ça reste quand même l'origine du reggae, le ska. Exactement. Bon, techniquement, si on parle un peu de rocksteady, ouais. Même si on ne s'y connaît pas non plus. Non, puis il n'y a pas de musicien à la maison. Exactement, il nous manque, il va revenir, hein, mais il a du travail en ce moment. Donc le ska qui est un rythme à 4 temps, et le rocksteady en fait s'est transformé c'est un temps binaire, visiblement, plus lent. Avec moins de cuivre que le ska. Donc il y a quelques paires du ska, du rocksteady pardon, comme on va écouter deux titres, enfin un premier titre. Est-ce qu'on peut parler de variant du rocksteady? De variant pour être d'actualité. Non. Ce terme-là. Mais si une variante, si tu as raison. On va s'écouter, c'est un des paires du rocksteady visiblement, Alton Ellis avec le titre. Quite chauff. Avec mon accent anglais parfait. Alors, c'est l'accent jamaïcain. Hein. On t'a pris. Against the world, he's against the world. Cry, Alors tout ça pour vous dire qu'on a eu un grand débat off sur déjà le rythme binaire, le rythme à 4 temps, 2 temps. Donc il faut vraiment qu'on consulte notre musicologue qui est surchargé de travail, comme tu disais. Mais c'est bon, ça. Il y a des priorités, donc on l'appellera, il nous expliquera tout ça. Ou il vous expliquera lors de la prochaine émission, on lui posera la question et il expliquera clairement en introduction, il faut qu'on y pense, cette notion-là. On est vraiment des néophytes musicaux. Enfin bon. Deuxième point, effectivement, dans la logique, c'est bien le ska, ralenti rock steady, ralenti reggae. On est d'accord, Julien ? C'est ça. Ouais. C'est ce que, d'après mes recherches, j'ai pu trouver. Et tout à l'heure, tu parlais d'une théorie de la création du rock steady. Qui demandait à ralentir le rythme. Oui, parce que c'était un peu trop violent, pour calmer un peu les gens. Et donc, c'est une théorie en plus. C'est une théorie en plus et qui vient rejoindre les autres. Donc j'ai trouvé deux théories. Une autre théorie qui dit que la vague de chaleur qui arrivait en Jamaïque, notamment l'été, quand il est trop chaud, il y avait les sound systems. Donc c'était pour aider les musiciens à ralentir le tempo. Donc ils ralentissaient dès qu'il faisait trop chaud. Bon, c'est une théorie. Et une deuxième théorie, les personnes âgées, pour qu'elles puissent danser pendant les sound systems. Donc elles demandaient à ralentir le tempo du ska. D'accord. Et ça aurait pu créer le rocksteady. Vous choisissez. Moi, la première m'arrangeait bien parce que ça me permettait de faire le lien avec les rude boys. Mais pourquoi pas ? Parce que c'est un peu comme les quarts d'heure américains. Apparemment, aux alentours de minuit, pendant les sound systems. Les quarts d'heure américains. Ouais, le lien. Tu peux rappeler ce que c'est le quart d'heure américain ? C'est les slow. Les slow à l'époque, quand on faisait des booms. Je crois que c'est pas quand les filles invitaient les garçons. C'est pas ça le quart d'heure américain. Il y a les slow et que le quart d'heure américain, les filles. Il y en a un qui acquiesce, t'as mine de rien. Ah, il connaît, pas. Mais je pense qu'il a pratiqué le quart d'heure américain. Ok, bon allez. Rocksteady donc. Donc Rocksteady, là on va écouter un groupe The Mitals avec le titre Bam Bam. C'est un groupe très connu qui est devenu le Toots and The Mitals. Qui a vraiment. C'est la base, oui. C'est la base qui a éclaté dans le reggae. Et ils ont commencé avec le Rocksteady. Voilà, c'était leur première. Comme Bob Marley. Voilà. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure aussi en antenne. Les premiers morceaux de Bob Marley, c'est du Rocksteady. Hein, c'est ce rythme-là. Quoi. Exactement. Et là, le titre qu'on va écouter, Bam Bam. Donc, années 66, 67. Ça me parle, ce titre. Et ce titre a été ensuite refait avec un style reggae, beaucoup plus rythmé, qu'on a dû écouter lorsqu'on a fait l'émission reggae, en hommage au reggae. Et là, vous allez reconnaître. Donc Bam Bam de suite, The Mitals. Yeah, yeah. Donc c'était le petit avant après ska et qui nous amène au reggae, donc wow. Ska rocksteady, petit interlude d'accord. Rocksteady avec les Metals que ouais. Effectivement on passe et qui joue encore hein, les Metals ils passent encore en concert toujours jusqu'au bout ils iront les Metals. Ah, oui. On revient sur les specials encore une fois sur le Two Town et le côté engagement. Alors avant de vous passer un morceau. En fait, les Specials ils se sont reformés dans les années 90-2000. Et alors, il y a surtout, c'était durant la période, tout ce qui était campagne Brexit, pro-Brexit, qui était plutôt violente en Angleterre. Il ne faut pas oublier qu'il y a une députée qui était assassinée quand même par des pro-Brexit, enfin des identitaires, enfin du National Front. Donc, ça a été quelque chose de particulièrement violent. Et il y a eu des manifs, donc voilà, où d'un côté on avait plutôt le côté identitaire, l'autre côté. Et durant une de ces manifs à Birmingham, pas très loin de Coventry, c'est une trentaine, quarantaine de kilomètres là d'où viennent les Specials. Il y a une photo, il y a une opposante, enfin une jeune femme qui s'est opposée à un leader d'extrême droite en lui souriant, alors que l'autre il avait vraiment une tête de haineux, comme ils peuvent avoir. Et cette photo est devenue virale. Et ça a dû plaire aux Specials parce qu'ils ont invité cette jeune femme, donc Safia Khan, à venir sur scène avec eux et à chanter. Et ils ont découvert qu'en fait, au-delà de son engagement antiraciste comme eux, elle était aussi féministe, etc., etc. Ce qui a donné un morceau qui s'appelait Les Dix Commandements, qui est une reprise, pareil, une reprise de Dix Commandements machistes jamaïcains, mais qu'elle a tourné à sa façon, du côté féministe. Donc là, voilà, c'est pour dire que ils ont repris la lutte en fait. C'est un morceau qui était enregistré sur scène du club mythique londonien d'Oxford Street, le 100 Club. On écoute tout de suite Specials donc et Safia Khan en live et on vous reparle de ça avec une petite rubrique, un petit clin d'œil littéraire. Je sais pas. The commandments of I, Safia Khan. I'm not. Specials, donc avec Safia Khan. Voilà, c'était vraiment la période où en fait le National Front est ressorti du bois comme des années 70 et donc du coup bah, les membres de Specials de tout temps ont repris le combat à l'aide de cette fameuse Safia Khan. Voilà, c'était un peu l'idée, c'était pour montrer que c'était toujours vivace. Cette période-là du anti-Brexit, je dirais, a été vraiment violente. Il y a vraiment une fracture en Angleterre, comme il y a une fracture à la fin des années 70 entre les pro-Thatcher et les anti-Thatcher. Et il y a un auteur anglais qui l'a particulièrement bien décrite, cette période, avec cette fracture qui n'est pas forcément très visible au départ. C'est Jonathan Coe. Alors, dans son roman Le cœur de l'Angleterre. Et ce soir, Julien a la lourde tâche, la grosse responsabilité, bah de lire en fait une petite chronique que nous a rédigée Laurent qui était venu il y a un peu plus d'un an, ouais. Nous parler d'un auteur, alors je ne sais jamais si c'est Fulvio Di Luca ou Luca Di Fulvio, enfin bon. L'italien, ouais. Voilà, qui a fait ses trilogies, Les Enfants de Venise et autres. Et Laurent donc nous a rédigé une petite chronique littéraire sur Jonathan Coe que va vous lire Julien. Donc j'y vais. Donc vendredi 27 juillet 2012, 9h du soir, Le cœur de l'Angleterre, roman de Jonathan Coe. Sophie et Yann sont assis côte à côte sur leur canapé. Ils regardent la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à la télévision. Faute, monsieur l'arbitre. C'est pas à Londres que ça devrait se passer, mais à Paris. Ces saloperies de British nous ont piqué ces jeux. C'est à Paris qu'ils auraient dû se dérouler. Mais voilà, quand il s'est agi de choisir la ville, Bertrand Delanoë s'est pointé à Singapour avec une valise remplie des photos de Johnny et Tony Blair avec une malle pleine de bifetons. Et qui c'est qui a gagné ? Les buveurs de thé, bien sûr. Pourquoi ça aurait eu une autre gueule, les Jeux à Paris ? François Hollande, fraîchement élu, aurait construit le programme. Pour la musique, il aurait tout de suite pensé au roi de l'accordéon qui enchante les balles à Tulle. Non, lui aurait dit son conseiller culturel. Le piano à bretelles, ça va pour les bouseux. Il nous faut du moderne. On va présenter la France au monde entier. Ah, aurait dit François Hollande. Marcel Amont, appelé Marcel Amont. Il a toujours fait un malheur à la fête de la rose avec son tube bleu, blanc, rouge et des frites. Une vérification sur Wikipédia plus tard. Hélas, Marcel Amont est toujours vivant. Le conseiller expliqua quand même à Hollande qu'il fallait aussi un peu de musique moderne. Bernard Lavilliers, lui répondit Hollande. Il était à la Bastille en 1981 pour l'élection de Mitterrand. En plus, il est ouvrier. Ça fera toujours un peu croire que je suis de gauche. D'accord, lui répondit le conseiller. Mais il est aussi stéphanois. Stéphane, bon, on passe. J'en parlerai à la fin de la chronique. Il doit sentir des dessous de bras. Enfin, à la télé, ça se verra pas. Hélas, comme la morale ne fait pas bon ménage avec la politique, et encore moins avec l'économie, c'est bien à Londres que se déroula la cérémonie d'ouverture en ce mois de juillet 2012. Sophie n'attendait pas grand-chose du spectacle. Du sport, elle s'en foutait. En plus, elle vivait le plus quart de son temps en France. C'est pour cela qu'elle avait ouvert sur ses genoux le Comte de Monte Cristo. La cérémonie commença par un film de 2 minutes, avec, dans sa bande-son, des bribes de God Save the Queen des Sex Pistols. Quel goût de chiottes. Ils ne respectent rien, ces Anglais. C'est pas à Paris qu'on aurait fait ça. Quand Gainsbourg avait réinventé la Marseillaise, les paras lui avaient fermé son clapet. Et on ne vous raconte pas ce qui s'était passé après la version de Django. Pendant la cérémonie, il y eut des références à l'album Animals de Pink Floyd, puis Tubular Bells de Mick Oldfield, et encore The Jam, Les Who, Les Stones, David Bowie, Frankie Goes to Hollywood, Amy Winehouse et Dizzy Rascal. Rien que des qui n'avaient pas dû fumer que de la Goldo. Ça, faudra m'expliquer. Bref, bien en sûr. France, bien sûr, le préfet l'allemand serait monté sur scène pour faire cesser à coups de flashball toute cette musique de sauvage. Oula. Mais tous ceux qui regardaient le spectacle autour de Sophie étaient fiers de leur pays. À commencer par Doug Anderson, un journaliste politique tendance Labour, qui à cet instant était heureux d'être britannique. Heureux de faire partie d'une nation qui, non contente d'avoir réalisé de grandes choses, pouvait les célébrer avec une telle assurance. Ce moment est un des rares de cohésion dans le roman de Coe, car le cœur de l'Angleterre est une des interrogations sur ce qu'est l'Angleterre aujourd'hui, sur la fracture qui s'est manifestée au moment du référendum, et qui a finalement fait sortir ce pays de l'Union européenne. C'est peu dire que les Anglais se sont foutus de la gueule entre les partisans du Brexit et ceux du Remain. D'un côté, c'est peu de dire que les Anglais se sont foutus sur la gueule, entre les partisans du Brexit et ceux du Remain. D'un côté, les plus âgés en quête de la période mythifiée de leur jeunesse, les ouvriers ou plutôt anciens ouvriers, puisque les usines avaient fermé, laissant Grad et les habitants du nord du pays. D'un autre côté, les jeunes qui n'avaient jamais connu que l'Europe, les plus diplômés, les acteurs de la finance, si importants depuis que l'industrie avait périclité, et les londoniens. Cette sortie de l'Europe avait tout foutu en l'air en Angleterre. Les conservateurs, le parti de droite, se sont retrouvés aux côtés des ouvriers pour plaider la sortie. Le Labour, en théorie à gauche, mais allait savoir depuis le passage de Tony Blair à la tête du parti, était plutôt pour le maintien. À la fin, sous la poussée des partis d'extrême droite, le Brexit s'est imposé. Jonathan Coe est un bon raccourci de ce joyeux bordel. L'auteur, fortement diplômé, était pour le maintien, car profondément européen. Pourtant, Coe revendique les syndicats comme élément constitutif de son pays, au même titre que son empire. Mais les syndicats anglais ne sont plus qu'un mythe qui s'est envolé, comme l'industrie. Avec pour seule différence que la disparition des syndicats a été grandement favorisée par Margaret Thatcher, la dame de fer. Souvenez-vous de son intransigeance devant la grève des mineurs dans les années 80. Elle les avait cassés comme elle avait cassé les... Elle avait brisé les grévistes de la fin de l'IRA. There is no alternative. Toute cette histoire, Jonathan Coe avait commencé à nous la raconter dans Bienvenue au Club, dont tu nous as parlé tout à l'heure, Stéphane. On y trouve les mêmes personnages que dans Le Cœur de l'Angleterre, mais à la fin des années 70. Les mineurs sont en grève, mais plus pour longtemps, car Thatcher se rapproche du pouvoir. Si ce n'est elle, ce sera le National Front. Traduisez le nom de ce mouvement en français et vous saurez de quel côté il se trouve. Pour l'heure, ce sont les attentats de l'IRA qui constituent la principale préoccupation du pays. Doug Anderson, entrevu plus haut, n'est encore qu'un collégien bien plus préoccupé d'emballer que de l'avenir du système productif. Un de ses principaux copains est Benjamin Trotter. On est travailliste dans la famille de Doug, puisque son père est leader syndical à l'usine automobile British Leyland de Longbridge, et conservateur dans celle de Benjamin, dont le père est cadre à l'usine. On retrouve les deux jeunes, avec 20 ans de plus, dans le cercle fermé. Un autre titre de Jonathan Coe. Cette fois, la messe est dite. British Leyland a été racheté par BMW. Mais les Bavarois vont vite arrêter les frais. Ils se débarrassent de ces buveurs de thé, incapables de construire correctement une bagnole. La défaite des ouvriers de la vieille Angleterre industrielle est totale avec la prise de contrôle du Labour par Tony Blair. À Birmingham, où se situait l'usine, comme à Coventry tout à côté, une page se tourne. Cette région du centre du pays, d'où le titre « Le cœur de l'Angleterre », va avoir du mal à s'en remettre. Outre les conflits sociaux, la musique est un autre élément qui traverse l'œuvre de Coe. Coe est lui-même musicien. Il a joué et enregistré en trio du rock psychédélique avec le musicien français Louis Philippe. Plus connu des amateurs de foot sous son vrai nom, Philippe Auclair. Tout à fait. Ouais, non, il est connu sur RMC. Bah, il en parle. Ah bon. Auclair, notamment, a longtemps couvert la première ligue anglaise pour RMC, en amenant sur cette antenne une élégance qu'on n'y croise pas souvent, il est vrai. Il est vrai que son parcours tranche dans les médias, car il a d'autres vies avant d'être... Il a été professeur de philosophie et cuisinier. Dans Bienvenue au Club, les personnages de Coe écoutent Roxy Music, Genesis, Eric Clapton, Yes, Jethro Tull. Ils assistent à des concerts des Clash, comme Stéphane. Non, pas les Clash, hélas. J'aurais bien aimé. Il s'essayait aussi au rock symphonique. Dans Le Cœur de l'Angleterre, pour apaiser la fin de vie de sa mère, Benjamin lui passe du Ravel, du Vaughan Williams et du Bach. Une musique que Coe explique beaucoup appréciée. Coe revendique le côté idéologique de la musique anglaise comme a pu le porter le Two Town contre Thatcher. Il explique aussi avoir vu un mauvais présage dans la mort de Bowie et de Amy Winehouse au début de la campagne du référendum. Lui qui a tant aimé les Smiths raconte ne plus écouter leur chanteur Morrissey en raison de son soutien au UKIP, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, qui n'est que la prolongation de ce que fut le National Front des années 70. Et ça, ça n'est juste pas possible. Merci Julien. Merci Laurent. Merci Laurent pour cette belle écriture qui en plus, illustre parfaitement les romans de Jonathan Coe. C'est pas du Ken Loach, parce que le Ken Loach est quand même bien glauque, mais c'est un peu du Ken Loach avec de l'humour ciselé. C'est bien rendu, quoi. Et on voit qu'en plus, on est dans notre thématique, on voit bien qu'on est sur du Coventry, Thatcher, le Front National, National Front, et quelques petites doses de musique qui fait qu'on s'y retrouve. Je cautionne pas du tout le côté stéphanois, mais j'ai laissé passer. Ça, c'est un autre débat. Ils sortent apparemment des dessous de bras, mais comme beaucoup de Français, non. Enfin, bref. De manière plus pragmatique, on mettra sur notre site Si Laurent nous autorise la petite rubrique pour les gens qui veulent récupérer le texte, qui est fort bien écrit. Et comme tu dis. Et fort bien lu. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais Laurent, voilà, qui a une qualité d'écriture importante, qui a une qualité de lecture aussi importante, parce qu'il doit lire un livre tous les 2-3 jours. C'est vrai. Et il nous fait des chroniques sur un blog. Sur un blog. Sur un blog. Il va falloir qu'on retourne, on le mettra sur le site. Je sais pas si ça s'appelle sur Bouquet, il nous dira. De toute façon, quand toutes ces histoires de couvre-feu seront finies, il reviendra nous voir présenter d'autres chroniques. On est tous d'accord là-dessus. Bien sûr. Là, la situation est un peu compliquée. On vous fera passer tout ça, même sur notre site, la chronique, les bouquins et la belle lecture de Julien. On revient en fond sonore. On avait un petit morceau au tout début, enfin au milieu de la lecture de Julien, des Sélecteurs. Alors Sélecteurs, c'est le deuxième groupe principal du Two Tone, eux aussi originaires de Coventry. Un groupe un peu, enfin je dirais, qui à cette époque c'était quand même assez rare d'avoir un leader, une leader. D'origine, enfin black, quoi. Donc à cette époque-là, dans les années 70, c'était pas forcément courant. Et Sélecteurs, qui, on revient à la Jamaïque, qui était en fait le DJ. Oui. Qui était le music sélecteur, voilà, ouais. Celui qui sélectionne la musique. Mmh. Donc c'était le morceau The Sélecteurs. On n'a pas vu que notre technicien, mais vu qu'il est super actif, il va nous envoyer les deux morceaux qui suivent. The Sélecteurs On My Radio et Missing World. Tu les as sous la main ? Il les a, il est fort. C'est parti. On my radio. Voilà, Missing World, et alors le petit clin d'œil du premier morceau des sélecteurs, c'était On My Radio. Forcément, on est sur Radio Mon Pays 90.1. Et c'est toujours Blue Dat Route, une spéciale Two Terms K. Donc, sélecteur, groupe de Coventry aussi, et un des groupes majeurs du Two Terms. Comme les Specials, il ne va pas durer très longtemps, plus créé en 79 à peu près, le groupe, et qui va se séparer en 81, même s'ils vont se former dans les années 90 pour faire quelques concerts. On enchaîne, parce qu'on aimerait bien passer en revue plusieurs petits groupes du Two Terms, avec un autre groupe, donc lui qui vient de la ville de Birmingham, on en a parlé dans la rubrique tout à l'heure de Laurent, lu par Julien, Birmingham, Coventry, donc on voit que tout se passe là, tout se passe dans cette zone à cette époque. Donc eux, The Beat, ils viennent de Birmingham, très engagés aussi parce qu'ils vont faire un message, une chanson contre Margaret qui s'appellera Stand Down Margaret. On verra si on peut la passer en fin d'émission. Dans l'idée, The Beat, ils vont pas vivre très longtemps non plus. Et par contre, il y a deux membres du groupe qui vont former un groupe qui va avoir plutôt du succès dans les années 90, je crois, qui s'appelle Fan Young Cannibals, avec des titres comme Johnny Come Home ou Good Things qu'on va écouter. Donc on écoute The Beat, Mirror in Bathroom, et donc du Two Terms, et ensuite pas la suite de The Beat qui est les Fan Young Cannibals Good Things. Mirror in the bathroom. toujours sur Radio Pays 90.1, et on est toujours dans le Two Town, le ska anglais des années 70-80. On vient à The Beat. Alors The Beat, il faut savoir qu'on s'appelle The English Beat, parce qu'il y a un groupe américain qui s'appelle The Beat aussi et qui fait pas du tout du ska. Et le dernier morceau, donc, c'était Fanny Cannibals Good Things. Et alors, pour ceux qui ont reconnu Fanny Cannibals, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, le Good Things, si vous vous rappelez du clip, c'était un hommage aux mods, c'est-à-dire ce qu'on a vu au départ, c'est-à-dire que comme quoi le ska, c'était un peu les descendants des mods. Puisque sur le clip, c'est quand même des jeunes qui sont sur leur scooter avec parka et autres, quoi, bien habillés mods, quoi. Donc, c'était un petit clin d'œil. D'ailleurs, même les Fanny Cannibals avaient cette petite idée, le petit polo, bien. Voilà, bien fringué, Tick Mods. On passe à un dernier groupe qu'on voulait vous présenter, membre des Two Towns. Alors, pareil, hein, vraiment un groupe, je dirais éphémère, parce qu'ils vont, elles, devrais-je dire, puisque pour les années 70-80, pareil, c'était un peu iconoclaste, c'était vraiment un groupe de jeunes filles. Et elles vont sévir à peu près 2 ans sur les scènes anglaises, le temps de prendre quelques petits morceaux. Et ce qu'on retrouve, ce qui est vraiment un peu pour tous les groupes du Two Towns, c'est surtout les groupes d'après, ce qui va ressortir de ces groupes-là, la suite, qui auront plus de succès. Alors ce groupe s'appelle les Body Snatchers. On va écouter un premier morceau qui s'appelle Do Rock Steady. Donc le Rock Steady dont vous a parlé Julien tout à l'heure. Mais c'est surtout en fait le deuxième groupe, c'est-à-dire que les Body Snatchers, elles durent 2 ans, elles se séparent, et il y en a certaines qui ont formé un groupe qui s'appelle les Bellstars, The Bellstars en fait. Et ce groupe, ça va être un peu précurseur féminin, un peu comme les Funboy Fruits à la Case Specials, le côté un peu acidulé, un peu plus léger. Mais le morceau des Bellstars qui s'appelle Son of Tan, je pense que toutes les jeunes femmes de plus de 40 ans connaissent, ont dû danser dessus. Donc on écoute The Body Snatcher du Rock City et ensuite The Bell Star Sign of Time et on revient. We'll be right back. As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new. Lying in my bed, thinking of you, I realize nothing is new. You say you love me, but want success. I say you're lying, nothing has changed. This is a sign of the times, peace of mind to come. This is a sign of the times, time to be alone. This is a sign of the times, peace of mind to come. This is a sign of the times, time to be alone. We're strong in bed, you're weak in love. You give me nothing more than a shove. I walk alone now, thinking of you. I realize now, nothing is new. This is a sign of the times, peace of mind to come. This is a sign of the times, time to be alone. This is a sign of the times, peace of mind to come. This is a sign of the times, time to be alone. Why do we go on with this useless love affair, when it seems to me that you don't really care? I realize now, nothing is new. Time to live my life without you. The Bell Star, donc, qui a formé suite au groupe de tout homme The Body Snatcher. Voilà, on essaie de faire le tour un peu rapidement, parce que sur ce beau label de tout homme, ce beau label Adamier dont on vous a parlé en tout début d'émission, on tenait à remercier Julien pour son intervention. Julien pour sa rubrique et sa lecture, qui était un vrai recueillement. Laurent Bizot pour sa chronique. Oui, tout à fait. Et dont on mettra tout en ligne. Et puis son site Sinus Doris, bien sûr, à lui faire la publicité. Moi, je remercie Benoît pour tout ce qui est technique. Parce qu'il faut savoir qu'on fait une émission un peu pirate, là, avec le couvre-feu. Mais c'est bien, hein, c'est, franchement. Donc, merci à toi de tout ce que tu fais pour qu'on puisse continuer. À faire cette émission et envoyer du bon son, j'espère, à nos auditeurs. Voilà, l'idée, c'est que... Alors, nous, on aimerait vous retrouver en direct des studios. Mais pour l'émission de février, j'espère. Ouais, pour l'émission de février. Mais sinon, on s'écrira encore pour concocter tout ça et tout mixer pour que tout se passe bien pour une prochaine émission en février. On n'a pas encore la thématique. C'est Pierre Julien qui va faire un retour fracassant dans l'émission en nous exposant quel thème il souhaite développer, toujours avec cette notion de lien musical avec mouvements sociaux. Nous, on va vous dire au revoir. Bonne soirée à tous. Certains sont à domicile, d'autres doivent vite partir en courant pour ne pas se faire attraper par les bobines toulousains. On reste dans le délire, londonien. On vous laisse, alors on va essayer de vous faire plaisir si le ska tout en monde vous plaît, on fait une petite compile où on va vous envoyer à la suite d'abord là, le Madness quand même si c'est pas produit par le Toutain, là, mais le morceau que a commencé à vous faire toucher du doigt des oreilles, je dirais, de notre tout à l'heure, donc le One Step Beyond de Madness. On enchaînera avec un morceau assez planant des Specials qui s'appelle International Jet Set, tout en, oui, assez planant, ils sont pas très sûrs du Jet Set, mais à écouter. Et si le temps le permet, on aura du Free Minute Zero, des sélecteurs. Et puis je crois que ce sera tout. Voilà. Donc ça vous fera une petite compile. À bientôt sur les ondes de Radio Mon Pays, de préférence en direct, mais sinon, on s'en sort quand même. Bonne soirée à tous! The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond. We'll be right back. This one's for us. It's called 3 Minute Hero.